À la fin de cette semaine, l'Allemagne célébrera les 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Nous vous proposons donc, jusqu'à jeudi, de traiter des aspects de l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle. Demain, nous vous proposerons un documentaire de Jeanne Guérou et d'Anne Fleury sur les déplacés allemands de l'après-Seconde Guerre mondiale. Puis mercredi, nous vous parlerons de la société civile en RDA. Et jeudi, nous vous présenterons les dernières analyses sur la République de Weimar. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous vous parlerons du dernier travail du grand spécialiste de l'histoire allemande qui est Saul Friedlander, qui cette fois-ci nous emmène du côté de Prague pour un Kafka poète de la honte qu'il vient de publier au Seuil. Puis, pour ouvrir cette semaine allemande, nous aurons le grand plaisir de recevoir l'historien Johann Chapoutau qui vient de publier sa dernière recherche consacrée au droit et à son usage sous le régime nazi. Un ouvrage passionnant qui s'intitule « La loi du sang », sous-titré « Penser et agir en Nazi » chez Gallimard, qui nous plonge dans un imaginaire juridique souvent négligé jusqu'alors par les historiens et que fait ressurgir justement avec beaucoup de talent Johann Chapoutau. Nous en parlerons avec lui dans la deuxième partie de cette émission. Saul Friedlander, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion de la parution en France de votre dernier ouvrage, Kafka, poète de la honte, paru aux éditions du Seuil. Ce livre, il est un peu étrange dans votre bibliographie parce qu'on se dit, mais comment se fait-il qu'il entre dans l'œuvre d'un historien comme vous qui avait travaillé essentiellement autour de la question allemande, la question du nazisme, la question du rapport de l'Allemagne aux Juifs. Et on se dit, tiens, on fait un pas de côté. Alors évidemment, vous l'expliquez ce pas de côté très rapidement dans la préface, c'est-à-dire que Kafka c'est Prague et vous êtes pragois. Oui, tout à fait. Alors il y a ce côté, le sentiment de comprendre le monde de Kafka, ce qui est une erreur, bien sûr, mais enfin, cette espèce d'attirance. Je lis Kafka, ou du moins, j'ai lu mon premier livre sur Kafka en 1947, hein, Henri IV, et je me suis toujours dit, il y a pas mal de temps déjà, enfin des décennies, j'aimerais bien écrire sur Kafka. Alors, ce Kafka, il intervient donc parce qu'il y a ce lien familial, ce lien avec Prague, évidemment, que vous avez, cette compréhension, dites-vous, de ce monde pragois. Oui. Parce que vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que, tout compte fait, la génération de vos parents, la génération de ceux qui vous ont juste précédé, c'est plus ou moins celle plus de Kafka. Plus ou moins, à 15 ans près, c'est la génération de Kafka. Et il se fait que ma famille, par pur hasard, mon père a fait les mêmes études exactement et ensuite est allé travailler comme Kafka dans une maison d'assurance, une compagnie d'assurance. Et il était conseiller juridique comme Kafka. Alors, qu'est-ce que justement cette proximité, cette compréhension presque sensuelle avec le milieu pragois, juif pragois, en quoi ça peut vous aider à approcher justement le personnage de Kafka, parce que tout compte fait, c'est tout un monde qui ressuscite autour de lui, un monde en particulier dans lequel il n'était pas non plus très très bien. Il était très mal, mais il faisait extérieurement, il faisait tout pour s'adapter, et intérieurement et dans ses écrits, il faisait tout pour saboter. Et Kafka fait des études très, enfin, ce qu'on demande dans une famille bourgeoise, quoi, des études de droit, et puis il va travailler dans un bureau d'assurance. Vraiment, c'est pas périlleux, hein, comme choix. Il fait la cour à diverses femmes au cours de sa brève vie. En fait, il est mort quand même à 41 ans, et parle de mariage et tout ça, alors que c'est pas du tout dans le sens de ce qui l'attire. Il est, bon, comme je l'ai dit, dans un bureau qui, je ne dirais pas qu'il le déteste, lui. Il a d'ailleurs monté tous les échelons, il est devenu très important dans ce bureau, il a pris sa retraite avec un niveau assez élevé. Mais il n'aime pas ce travail, il veut se consacrer bien sûr à la littérature. Et donc, il vit dans une famille, et ça c'est vraiment curieux, jusqu'à un an avant sa mort, il est plus ou moins chez lui tout le temps. C'est-à-dire qu'il prend il va par-ci, par-là, mais il revient toujours vivre dans la cellule familiale. Et en fait, il a des conflits constants avec son père et il n'est pas très proche de sa mère. Et donc, mais il vit à la maison. Et c'est ça qui vous a intéressé, visiblement. Bah, évidemment. Ce qui vous a intéressé dans ce Kafka, Poète de la honte, c'est l'envers de sa vie à peu près tranquille, relativement bourgeoise dans le Prague de l'époque. Qu'il déteste voilà. Et qu'il sape dans ses écrits. Et comment un historien comme vous s'empare de la littérature ? Vous savez peut-être qu'en France, depuis maintenant une dizaine d'années, beaucoup d'historiens, et sûrement dans d'autres pays d'ailleurs, s'interrogent sur la proximité de la discipline historique avec la littérature, sur la frontière qui est parfois ténue entre les deux. Oui. Yvan Jablonka a travaillé récemment sur cette question-là. Comment justement un historien fait-il pour s'approcher de la matière littéraire ? Est-ce que c'est une manière historienne ou est-ce que c'est une autre manière que vous avez utilisée, Saul Friedlander ? Je crois que quand même c'est un peu malgré moi une manière historienne. Je n'y ai pas tellement pensé au début, mais comme j'ai dit que je m'intéressais à Kafka après avoir terminé mon travail sur l'Allemagne nazie et les Juifs, et la Yale University Press m'a dit « Mais on a une collection vie juive. Et est-ce que vous ne pourriez pas faire le Kafka ?» Je me suis dit « C'est une occasion enfin, de parler de Kafka. » Et je me suis retrouvé dans une... si vous voulez, avec une obligation que je ne recherchais pas au début, écrire une biographie. Mmh. Et ce n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais surtout travailler sur les textes. Et j'ai pris un chapitre quand même, le chapitre 4, sur un médecin de campagne où j'analyse une petite nouvelle. Mmh. Très importante, cette nouvelle. Oui, très importante. Mais enfin, je suis devenu biographe malgré moi. Et alors, comme le milieu m'était familier... ça a marché plus ou moins, mais en fait, j'ai choisi tout cela pour me reposer un peu des 16 ans que les deux volumes antérieurs m'avaient pris, et donc pour aller vers quelque chose que j'aimais. Mais quelqu'un m'a fait remarquer hier que j'allais du sombre au sombre. Parce que Kafka, ce n'est pas exactement... de la détente voilà. et du divertissement, en l'occurrence. Alors, vous mobilisez pour cette biographie, donc Kafka, poète de la honte, au Seuil, Saul Friedlander, vous mobilisez en fait le travail de l'historien. On a une description du Prague de l'époque, on a une description du milieu juif pragois, on a une description des rapports entre Allemands et Tchèques, entre ceux qui parlent l'allemand et qui parlent le tchèque. Là, on est dans ce qu'on connaît d'une certaine façon du Saul Friedlander historien. Vous allez chercher aussi du côté de la psychanalyse, mais vous avez déjà travaillé depuis longtemps sur ces questions. C'est une vieille passion de votre part. C'est une vieille passion, oui. Et donc, et aussi, évidemment, de l'analyse littéraire, d'une certaine façon. Donc, trois sources, pourrait-on dire, qui sont des sources hétérogènes pour pouvoir construire une biographie, Saul Friedlander. Oui, c'est juste. Alors, l'arrière-plan social, historique, tout ça, bon, ça m'était familier. Et de toute manière, c'est quelque chose de très connu. Le côté psychanalytique, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Histoire et psychanalyse » il y a très longtemps. Et qui est resté d'ailleurs dans les annales comme un livre important, marquait une pierre de touche de l'intérêt justement de certains historiens pour la psychanalyse. Ça m'avait intéressé, mais j'avais été assez critique à l'époque. Mm-hmm. Et donc, je me suis retrouvé avec une étiquette qui ne me plaît pas tellement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que je fais de la psychohistoire ou de la psychobiographie, mais vraiment, ce n'était pas mon propos. Mais vous savez, ça s'impose. Parce que Kafka lui-même le dit et le redit. Il pense beaucoup à Freud, qu'il connaissait très bien. Il ne connaissait pas personnellement, mais connaissait l'œuvre très bien. Elle était discutée dans un cercle intellectuel pragois chez les Fanta, F-A-N-T-A, et où on trouvait un peu tout le monde. Einstein y venait, bien sûr, tout le groupe autour de Kafka, Max Brod, etc., allait discuter chez les Fanta, et on discutait beaucoup de l'œuvre de Freud. Donc, ce n'est pas absurde d'utiliser Freud pour expliquer Kafka, parce que lui-même utilisait Freud pour s'expliquer, si je peux dire. Et pour écrire aussi. Et pour écrire. Parce qu'évidemment, il y a la troisième dimension, qui est la dimension littéraire, effectivement, purement d'analyse des textes de Kafka, qui sont des textes complexes à analyser, sur lesquels beaucoup de gens se sont cassés les dents d'une certaine façon, mais néanmoins que vous prenez à bras-le-corps en vous disant il y a des explications que l'on peut trouver dans cette œuvre qui sont des sortes de miroirs déformés, plus ou moins déformés, de la réalité de la pensée de Kafka sur sa propre vie. Voilà. C'est exactement ça. Alors, il ne faut surtout pas faire de dire, ben voilà, il écrit ceci et donc il est cela. Et comment faire pour ne pas faire ça, justement ? Le cheminement est compliqué, du réel au symbolique, si vous voulez. Mais il y a pas mal de commentateurs qui ont fait remarquer que, par endroit, l'œuvre de Kafka, par endroit, peut être considéré comme une sorte d'autobiographie devenue littérature, mais enfin, c'est quelquefois assez proche. Alors, j'ai choisi quelques exemples de ça, mais par ailleurs, bien sûr, il y a tout un cheminement, et quand je lis les textes un peu, surtout dans le chapitre 4 sur le médecin de campagne, absolument, je m'éloigne du direct pour voir divers niveaux, et chez Kafka, c'est toujours divers niveaux. Les uns disent, bon, il part de la réalité, il parle de lui-même, et puis finalement, ça se termine en métaphysique. Kafka n'était pas historien, hein, donc son monde est un monde onirique, l'inverse, si vous voulez, d'un naturalisme historique, et un monde donc de rêve, et lui-même déteste les théories. Donc, il ne faut surtout pas en faire un historien de son époque, bien qu'ils disent parfois « j'ai pris sur moi tous les côtés négatifs de mon époque », mais il déteste son époque. Pourquoi la déteste-t-il, selon vous, justement, cette époque ? En quoi est-elle détestable ? En l'occurrence, il meurt juste après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas encore la montée de ce sur quoi vous avez travaillé, c'est-à-dire tous les régimes fascistes et nazis en Europe centrale et orientale, ça n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui lui fait détester cette époque à Kafka, selon vous ? Je crois que c'est cette coque vide. Là, je resserre, si vous voulez, la question sur le côté juif de Kafka. Kafka trouve le judaïsme de son époque totalement, formel, vidé de tout contenu. Et alors, personne ne sait comment remplir cette coque, de contenu. Alors, comme la carapace de la métamorphose. Si vous voulez, c'est comme la carapace de la métamorphose, de l'insecte, donc, dans la métamorphose. Mais il le dit et le redit, il a écrit des nouvelles qui s'adressaient directement à ça. Il déteste la société bourgeoise qui l'environne et qui est celle de son père. Donc, de nouveau, surtout le monde juif qui connaît parfaitement, à travers sa famille, etc., il ne le supporte pas, bien qu'il y reste. Et puis, ça s'élargit à la modernité, je crois, de manière bien plus générale. Et puis, il a quand même écrit pas mal de choses essentielles pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il voit la brutalité, l'horreur, en quelque sorte, du monde qui l'environne. Et il accuse ce milieu juif d'avoir un peu oublié ces rituels, d'avoir oublié sa religion, absolument, d'avoir voulu ressembler et mimer la société dans laquelle il était, et vous interprétez. Vous faites non pas de Kafka un juif religieux, ce qu'il n'était pas du tout. Vous interprétez en tout cas ce conflit qu'il a avec son père, mais aussi avec tous les milieux bourgeois que fréquente son père, avec cette idée que, tout compte fait, ce personnage de son père est un personnage qui a trahi la religion, il ne va qu'à quelques fêtes de temps en temps, et tous ses congénères sont semblables, comme d'ailleurs les Juifs allemands sur lesquels vous avez travaillé, etc., parce qu'ils pensaient qu'ils étaient... C'était cette société-là qu'il fallait épouser, en laissant tomber la religion des origines. Exactement. L'idéal de l'assimilation, si vous voulez. Et Kafka déteste ça parce qu'il voit très bien l'hypocrisie de la démarche, c'est-à-dire on veut être comme les autres, mais néanmoins on dit qu'on est juif, mais alors ça veut dire quoi? Alors il essaie toute sa vie, enfin depuis 1911 environ, de trouver un contenu. Ses amis, certains de sa génération, deviennent religieux à nouveau, Hugo Bergman et d'autres. La plupart vont vers une sorte de sionisme qui est plutôt un sionisme culturel et pas nécessairement politique. C'était Prague, c'était aussi Martin Buber. Et donc, Kafka n'est ni religieux ni sioniste. Mais il essaie quand même de trouver quelque chose. Et alors on le voit apprendre l'hébreu, mais pas du tout pour aller en Palestine, mais simplement pour pouvoir lire une littérature qu'il n'arrive pas d'ailleurs à lire, c'est trop difficile, mais enfin, pour faire quelque chose pour nourrir, si vous voulez, ce vide qu'il sent au sein de soi-même. Et finalement, il échoue. Il ne faut pas oublier que la vie de Kafka, à ses yeux, est un échec. Et il avait vraiment demandé à Brod de brûler ses manuscrits, que Brod, heureusement, n'a pas fait. La dernière compagne de Kafka, la seule compagne véritable, Dora Diamant, a brûlé pas mal de choses parce qu'il lui avait demandé. Et puis elle, étant moins futée que Brod, l'a fait. Mais Kafka ne s'est jamais trouvé lui-même, si je peux dire. Est-ce que ça n'est pas, au bout du compte, un tel travail, qui est un travail qui vous a demandé beaucoup de temps, d'une certaine façon, Sarl Friedlander, moins que votre travail sur les relations entre l'Allemagne nazie, les Juifs, les deux tomes qui sont parus, le dernier, je crois que c'était en 2008, en France, oui, en tous les cas, ça vous a demandé moins de travail, mais c'est beaucoup de travail. Et au bout du compte, vous restez sur un mystère, sur une interrogation. C'est-à-dire qu'on travaille sur un personnage, et au bout du compte, il en ressort quoi chez vous? Ce qui en ressort, enfin, je ne suis pas atteint par cela, mais on est atteint nécessairement par son... Il n'y a pas de salut chez Kafka. Il n'y a pas de rédemption chez Kafka. Il n'y a pas de résurrection chez Kafka. Dans Le médecin de campagne, la fin du médecin qui s'est inspiré du récit de Flaubert et d'errer constamment dans une sorte de désert de neige, le juif errant, quoi, qui ne peut pas mourir et qui ne peut pas vivre et qui continue à errer de par le monde. Donc, chez Kafka, en fin de compte, quand vous réfléchissez à ce qu'il nous donne, Max Brod a essayé de dire c'est quelqu'un qui voulait, qui nous donne une planche de salut. Il faut simplement ne pas s'en tenir seulement au roman, il faut lire les aphorismes. Mais alors, il n'a jamais expliqué pourquoi les aphorismes étaient tellement sombres, mais surtout que Kafka écrit les œuvres les plus sombres après avoir écrit les aphorismes en 17-18. Donc, Kafka nous laisse un certain désespoir et un sens que le mal imprègne le monde. Oui, vous disiez que vous vouliez en faire une sorte de récréation de ce travail sur Kafka pour vous reposer de ce que vous aviez fait auparavant les rabbins. mais ça n'est pas la réussite. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que vous avez passé votre temps à faire ce qu'on appelle une histoire totale. Et là, d'un seul coup, en plongeant sur un individu, donc en travaillant au plus près d'une personne, vous avez peut-être plus de mystère que lorsque vous travaillez sur la masse de ce qui s'est passé pour ces millions de personnes qui ont été broyées dans la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Oui, travailler sur Kafka n'amène pas de solution. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord et il faut rester avec le mystère, les questions qu'il se pose et auxquelles il n'a pas de réponse. Pour ce qui est de la vision d'ensemble, du survol historique d'ensemble d'une période comme celle de la Shoah, de l'Holocauste, de 33 à 45, enfin ce que j'ai essayé de faire, j'ai trouvé qu'il fallait introduire la dimension personnelle dans l'analyse sociale. C'est comme ça que vous avez fait ressurgir beaucoup de témoignages, en particulier de gens qui étaient dans les ghettos ou dans d'autres endroits. Exactement. Et souvent, si vous voulez, là, vous n'avez pas les problèmes kafkaesques ou kafkaïens, mais vous avez quand même... ce sont des gens qui ne comprennent pas leur situation au moment où ils l'aperçoivent et jusqu'au bout, en fait, ils ne comprennent pas. Et alors, ils sont dans un sens un peu kafkaïen, c'est-à-dire ils ne savent pas vraiment comprendre le monde qui les environne, ils ne veulent pas croire à ce qu'ils voient. Et donc, à ce qui leur arrive. À ce qui leur arrive. Et alors, j'ai utilisé, pour analyser ça, les journaux. Pas les mémoires. Paradoxalement, moi qui ai écrit quand même un petit livre de mémoire, j'ai trouvé que c'était une source dont il fallait se méfier en historien, parce qu'on refait son... On travaille sur l'idée qu'on a de son passé, et petit à petit, les éléments changent. C'est comme ça qu'en allant interroger le dernier chef du Reich après... Dönitz, vous vous êtes confronté à cette question de la mémoire et de la reconstruction d'un dignitaire de l'armée, de la marine, et qui a participé au régime de bout en bout et qui vous jure sur son honneur qu'au bout du compte, et il n'y est pour rien, il ne savait rien de ce qui était en train de se dérouler. Ce qui, effectivement, est une... c'est un mensonge. Et c'est une énigme en même temps. Mais c'est une énigme parce qu'il aurait pu me mettre à la porte. J'avais, je ne sais pas, 20 et quelques années à ce moment-là. En 63, c'est ça ? Comment ? En 63, vous avez fait ça ? Oui, en 63 ou même en 62. Et il aurait pu me dire, écoutez, j'étais à Nuremberg, j'ai été condamné à ceci, à cela. Et maintenant, fichez-moi la paix. Mais non, je lui ai posé la question en allemand, et en utilisant son titre « Herr Großadmiral », ce qui veut dire « Amiral de la flotte », comme Darlan. Et est-ce que vous me donnez votre parole d'honneur en tant que Großadmiral allemand que vous n'avez jamais entendu parler jusqu'à votre nomination, enfin, comme chef du gouvernement, et pour quelques jours, vous n'aviez jamais entendu parler d'extermination des Juifs. Il me dit, mais alors, sans attendre une seconde, il me dit, je vous donne ma parole d'honneur, de gros admiral allemand, que je n'avais pas entendu parler de ça, ce qui était impossible. Alors, j'étais posé la question en Angleterre à des spécialistes, et ils m'ont dit non. Il a menti, mais enfin, il se fait que, donnant sa parole d'honneur, il se peut qu'à force de se refaire une sorte de passé non criminel, ou en tout cas ignorant des pires méfaits du nazisme, il y ait cru, il s'est mis à croire ce qu'il imaginait. C'est une des questions essentielles de l'historien à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, que de savoir quoi faire de ces mémoires qui nous envahissent, qui sont très fréquentes autour de la Shoah. Il y en a beaucoup, les mémoires de déportés, mais aussi mémoires de bourreaux, de gens qui ont participé, qui tentent de s'extraire de cette participation à la Shoah. Comment faire sa propre histoire avec cette mémoire que l'on reconstruit chaque jour ? Absolument. Absolument. Et c'est pour ça, alors, pour bien le tirer au clair, que dans l'Allemagne nazie et les Juifs, je n'ai presque jamais utilisé de livre de mémoire, mais les journaux écrits sur le moment. Et la plupart d'ailleurs de mes diaristes, de mes auteurs de journaux, ont été tués peu après avoir écrit ce qu'ils avaient écrit. Et je me méfie toujours aussi même des journaux de ceux qui ont survécu, parce que certains ont... pas réécrit, mais enfin ont eu la tentation de réécrire. Oui, de couper certains passages. Dont Anne Frank, pendant la guerre encore, elle a commencé à changer son journal parce qu'elle espérait qu'après la guerre, la reine de Hollande avait promis je ne sais pas quoi. Donc elle a atténué les critiques qu'elle avait à l'égard du milieu hollandais et a changé d'elle-même. Ce n'est pas son père qui l'a influencé, son père ensuite a censuré, mais elle a elle-même changé un peu son journal. Donc même là, vous avez un problème. Elle n'a pas survécu, bien sûr, mais enfin, elle est allée presque à la fin de la guerre. Et vous qui vous êtes livré à cet exercice des mémoires, si vous aviez à les reprendre, ces mémoires, parce que je crois qu'elles datent de 1978, c'est ça. Donc ça fait déjà longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et quand vous les relisez, si ça vous arrive de les relire, Saul Friedlander, vous y trouvez quoi que vous modifieriez volontiers ou que vous rajouteriez? Parce qu'on vous a peut-être raconté, ce qui arrive souvent, surtout quand on était jeune, des épisodes que vous avez réintégrés avec votre propre histoire après coup. Oui, il y a quelques épisodes que j'ignorais, quand j'ai écrit ce que j'ai écrit. Mais j'ai eu la chance de retrouver, au fur et à mesure des années, de retrouver des lettres qui m'ont aidé à suivre le parcours, surtout de mes parents, et même des lettres que j'ai moi-même écrites à des gens de l'extérieur à la fin de la guerre. J'étais à Montluçon, donc, dans l'Allier. Et ces lettres m'ont permis de suivre un fil, si vous voulez, ce sont mes archives, quoi. Et je ne me suis pas trompé sur beaucoup de choses, mais sur certains points que j'ignorais d'ailleurs, que par exemple, c'est la police qui m'a fait sortir de l'endroit où j'étais, alors que je pensais qu'on m'avait laissé partir en bonne volonté. Mmh. Et non, il a fallu que le préfet de l'Allier, en fait, écrive une lettre officielle disant que si on ne me laissait pas partir, enfin, il y avait quelqu'un qui venait de la part de mes oncles me chercher, et il ferait intervenir la police pour me retrouver. Donc tout ça, je l'ignorais à l'époque, je n'ai appris que plus tard, mais dans l'ensemble, je ne changerai pas grand-chose, mais c'est sûrement une erreur de ma part. Merci Saul Friedlander d'avoir accepté notre entretien parce que vous êtes passé quelques jours à Paris et je suis très heureux d'avoir pu vous rencontrer à cette occasion-là pour la sortie au Seuil de Kafka, poète de la honte. Vous avez travaillé sur cette biographie, ça vous suffit? Vous n'en ferez pas d'autres de biographies? Vous êtes pas? Non, sûr. Je ne crois pas, j'ai passé l'âge. Merci en tous les cas. Merci bien. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et après ce motet sur un texte de Kafka signé Ernst Krenek en 1958, nous entamons la deuxième partie de cette émission avec vous, Johann Chapoteau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour votre livre, donc publié dans la fameuse Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, La loi du sang, penser et agir en Asie, un livre issu de votre habilitation à diriger des recherches. Vous êtes professeur à Paris 3 et vous avez travaillé depuis longtemps sur cette question de l'Allemagne. On connaît votre travail en particulier sur l'Allemagne et la relations qu'entretenaient les nazis, en particulier avec l'Antiquité. C'était votre premier travail. Vous êtes aussi l'auteur au PUF d'une histoire de l'Allemagne dans la collection Que sais-je, qui vient de sortir également. Et là, vous publiez donc cet énorme travail sur, pourrait-on dire, l'imaginaire nazi, c'est cela? Il y a tout l'imaginaire nazi du droit en particulier et la façon dont il s'est appliqué dans l'Allemagne nazie? Du droit et de la norme de manière plus générale, la norme comme discours impératif, comme discours prescriptif, en droit comme en morale. C'est effectivement un compte-rendu de ce que les nazis appelaient eux-mêmes la vision du monde. Donc comment voient-ils le monde? Selon quelles coordonnées mentales et morales? Vous auriez pu être avec nous lundi dernier, lorsque Jean-Paul de Moule venait nous parler de l'idéologie, en particulier des Indo-Européens et de ces fameux Indo-Germains, parce qu'on les trouve dans votre livre, ces Indo-Germains, donc c'est ce qu'on appelle chez nous les Indo-Européens, parce que les nazis y trouvent une sorte de source mythique à laquelle ils vont s'abreuver pour pouvoir justifier la brutalité, pour pouvoir justifier l'instinct, par exemple, qui serait à la base de ce qu'est l'identité germanique au-delà de tout ce qu'elle a été, ce qui a été forgé depuis par le christianisme, par le judaïsme, etc., etc. Les nazis font un constat simple sur le présent, c'est que la race germanique, selon eux, est menacée de mort, et que pour assurer sa survie, il faut opérer une révolution culturelle. C'est-à-dire revenir au point d'origine de la race, revenir à son identité originelle, revenir à la manière dont elle vivait il y a 1500 ans, 2000 ans, c'est-à-dire avant l'acculturation chrétienne, judéo-chrétienne, hein, judéo souligné trois fois, cette acculturation judéo-chrétienne qui a été une véritable dénaturation, c'est-à-dire que la race germanique a été arrachée à sa nature, a été privée de sa propre nature. Il faut la rendre à sa nature, c'est-à-dire à sa naissance, à son essence. Il faut retrouver les lois de la nature, c'est-à-dire la loi du sang. Alors, vous faites ce que vous appelez une cartographie d'un univers mental, donc cet univers mental des nazis, dans lequel vous dites que les crimes nazis prennent place et sens. Effectivement, c'est cela la grande nouveauté de votre ouvrage, c'est que au-delà de tous les travaux qui ont pu être accomplis sur la façon dont les crimes s'étaient déroulés, vous dites qu'il faut prendre au sérieux ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faut les prendre au sérieux, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils se réfèrent à une idéologie, eh bien, allons y voir, voyons quelle est cette idéologie, la façon dont elle se répand par la cinématographie, par les bandes dessinées, les journaux internes des SS ou d'autres types de journaux, mais dont elle s'est répandue dans la société allemande et donc elle a fini par effectivement créer des nazis là, chez des gens qui n'étaient pas forcément des nazis au départ. Oui, il faut partir d'un constat simple, c'est qu'il n'est pas facile d'être violent, il n'est pas facile de tuer. Et que, par ailleurs, l'Allemagne est à l'époque le pays le plus alphabétisé et le plus cultivé au monde. Donc, on ne peut pas postuler que ces gens-là étaient des fous, des barbares ou des arriérés. C'était des gens qui évoluaient dans un univers de sens et de valeurs, un peu comme vous et moi dans notre vie quotidienne, donc qui ont besoin d'une motivation, qui ont besoin d'un sens et d'une justification pour effectuer ce qu'ils font. Ce qu'ils font n'a, à nos yeux, aucun sens, et c'est heureux, mais justement, en tant qu'historien, on doit faire un travail d'anthropologue, c'est-à-dire se plonger dans cette culture-là, se plonger dans cette vision du monde-là, pour postuler que effectivement, on a affaire à des êtres humains et que si on a affaire à des êtres humains, on a affaire à des gens qui vivent dans un univers de sens. Donc, quelles sont les justifications, quelles sont les valeurs, quelles sont les normes qui affectent de valeur et de sens des actes qui, à nos yeux, n'en ont pas ? Alors, on peut vous remercier parce que, en fait, vous vous êtes plongé dans une littérature que les autres considéraient comme peu digne d'intérêt, pourrait-on dire, une littérature un peu grise, de cette pensée qui apparaît ronflante, dites-vous, avec une phraséologie particulièrement déplorable, mais vous en avez tiré, pourrait-on dire, des pépites, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre effectivement comment, sur trois catégories en particulier, trois, ce que vous appelez les trois impératifs catégories des nazis, trois façons, trois types d'actes pour selon vous, assurer l'éternité de l'Allemagne en particulier, des Germains en particulier. Donc, la question de la procréation, vous ouvrez par cela. La question du combat, de la guerre, d'une certaine façon. Et puis, une fois que cette guerre sera menée, eh bien, comment on pourra vivre en bon Germain pour des milliers d'années. Et là, c'est la fameuse phrase sur le Reich de 1000 ans. Oui, c'est une vision du monde qui s'origine dans une vision d'histoire. L'histoire jusqu'ici a été malheureuse. Elle a été malheureuse parce que la race germanique est l'objet d'assauts incessants de ses ennemis, notamment des Slaves et surtout des Juifs. Donc il faut revenir à l'origine pour savoir comment vivait heureuse à l'origine la race germanique, retrouver les normes de l'instinct, les normes de la nature, pour pouvoir mener ce combat qui est celui de l'histoire, pour pouvoir le mener à bon escient selon les normes de la nature qui sont celles d'un affrontement zoologique permanent. L'histoire se réduit à la nature selon les nazis. C'est une vision social-darwiniste assez classique mais radicalisée qui consiste à voir dans l'affrontement des groupes humains une lutte zoologique pour la survie. Et ce combat, mené à bien, permettra enfin de sortir de l'histoire, c'est la grande promesse nazie, se libérer de la souffrance et du malheur en se projetant dans les vastes espaces de l'Est. Dans une sorte d'éternité. Oui, les vastes espaces de l'Est qui seront ceux de l'empire colonial nazi, qui permettront de nourrir la race pour des siècles des siècles. Alors, ce qui est le plus étonnant, et on vous a déjà écouté sur ce point, une émission qui était assez formidable la semaine dernière chez Antoine Garapon, vous êtes intervenu chez Antoine Garapon dans l'Esprit de Justice, on peut la réécouter cette émission, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les nazis ont eu besoin de justifier par le droit tout cela ? Parce que c'est ce que vous expliquez. En fait, les juristes sont présents. Alors certes, ces juristes sont très présents dans l'univers allemand, beaucoup plus que dans l'univers français de la même période. C'est la référence ultime, le droit. Et donc, ces juristes se mettent, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais se mettent au service de cette idéologie nazie en disant, eh bien oui, il y a là la matière pour pouvoir réfléchir en juriste à la façon dont la nouvelle Allemagne va pouvoir naître. Oui, sur la présence des juristes dans l'appareil nazi et dans la confection de l'idéologie, il y a deux raisons. La première, c'est que l'élite à la fois technocratique et intellectuelle est passée par des études de droit dans l'Allemagne de l'époque. Et cette élite-là s'investit beaucoup dans le parti nazi puisqu'il a des carrières à faire, des carrières mirifiques. Et par ailleurs, c'est une élite qui a une culture conservatrice, voire réactionnaire, sociologiquement et intellectuellement très marquée. L'autre raison, c'est que les juristes veulent sauver leur peau. Hitler méprise les juristes comme il méprise quiconque a fait des études, que ce soit les ambassadeurs, les diplomates. C'est assez formidable. Vous citez un discours de Hitler devant les ouvriers d'une usine d'armement à Berlin, où il dit « Je ne suis même pas un juriste, rendez-vous compte de ce que cela signifie, et je suis malgré tout votre fureur ». Donc on voit bien, et vous faites le parallèle avec ceux qui critiquent les énarques aujourd'hui, vous dites « Voilà, eh bien c'est ce discours comme ça où on dit « Je suis comme vous, d'une certaine façon, et je n'aime pas les juristes, ils ne les aiment pas, mais néanmoins, ils vont se mettre à son service ». Oui, ils se mettent à son service, tout simplement, parce qu'ils veulent sauver leur statut et sauver leur prééminence dans cette Allemagne. Ils ont été au service du parti nazi depuis les années 20, et beaucoup de juristes qui sont au service du parti pour défendre les SA qui sont inculpés d'agressions politiques. Et ces gens-là, comme Roland Freisler, qui deviendra secrétaire d'État au ministère de la Justice, puis président du tribunal du peuple. Qui est central dans votre livre. Absolument. Hans Frank, qui est aussi un personnage central, puisque, même chose, docteur en droit, avocat, chef de la corporation des juristes du Reich, puis gouverneur général de Pologne. Donc on voit bien qu'on a affaire ici, non seulement à des intellectuels, mais aussi à une élite technico-pratique, une élite fonctionnelle, qui s'investit dans la technocratie du régime. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils se mettent au service d'un droit, une sorte de droit naturel, qui serait le droit de l'instinct, le droit du plus fort, et qu'au bout du compte, ils finissent par justifier cette idée que c'est cela le droit, et surtout c'est cela le droit des Allemands, c'est le droit germanique, c'est celui-ci. Le droit d'origine, c'est donc de pouvoir agir en germain, et ces germains, eh bien, ils ont une sorte de puissance morale naturelle qui leur vient de la nature, de leur communion avec la nature qui a été rompue, dites-vous, par l'arrivée du judaïsme, puis le christianisme, en créant une instance métaphysique au-dessus des hommes. Là, au contraire, les germains sont mélangés à cette nature et naturellement, ils ont une morale qui doit s'imposer à tous. Ce que disent les juristes, comme ce que disent les philosophes, les biologistes, les historiens, les anthropologues qui travaillent sur ces questions dans les années 20 et 30, c'est que les juifs ont introduit la médiation. Ils ont introduit les vêtements, par exemple, alors que jadis, on vivait nus. Voilà. C'est pour ça que vous commencez un de vos chapitres quasiment au début sur la question du naturisme. La nudité, oui. Alors, on ne vivait pas en tenue d'Adam, hein, puisqu'Adam était juif. Attention, on vivait en tenue de germain qui se baigne dans les lacs et qui vit un rapport immédiat avec la nature. Ils ont inventé la médiation également en créant la féodalité, en créant le clergé, en créant ces obstacles entre soi et le maître, soi et le ciel. Et ce que disent ces juristes, c'est qu'il faut profiter du Troisième Reich et du règne du Führer pour rétablir l'immédiateté. L'immédiateté de soi envers soi, de soi envers l'autre, de soi envers la nature et de soi envers le monde. Autrement dit, ils reprennent des débats et des idées, au fond, qui sont assez anciennes. Parce que dans ces critiques du droit abstrait, dans ces critiques contre la médiation, contre le droit savant, on retrouve des idées qui traînent depuis le 19e siècle dans toute l'Europe, pas seulement en Allemagne. Et cette opposition qui avait été théorisé par des juristes allemands au XIXe siècle, entre le Volksrecht, le droit du peuple, et le Juristenrecht, le droit savant, le droit des juristes. Ce que disent les juristes nazis, c'est qu'il faut reposer la question du rapport entre le droit et la vie, entre le peuple et la norme. Autrement dit, ce sont des questions assez fondamentales du droit qui font le succès de ce droit nazi, comme de la même manière que le nazisme a du succès à l'époque aussi, parce qu'il pose des questions fondamentales liées à la crise de la modernité. Alors, toute la question du bon sens, toute la question de ce sens du peuple qui serait le bon sens et au nom duquel on devrait juger tout le monde. La voie du sang aussi. La voie du sang ne s'est jamais tue, dit par exemple un manuel de formation de la police que vous citez. Elle est désormais plus forte que jamais et ne peut plus être recouverte. Donc il y a cette idée effectivement qui a cette sorte d'immédiateté. Moi j'ai découvert en vous lisant que je ne savais pas que Alfred Rosenberg, le grand penseur du nazisme, était venu jusqu'à la tribune de l'Assemblée nationale en novembre 40 à Paris, au Palais de Bourbon, pour faire une critique de la Révolution française qui, justement, avait émancipé les Juifs, ouvert la voie à l'émancipation des Noirs et donc, d'une certaine façon, créé une rupture dans le tissu temporel, justement, et amené la catastrophe, 150 ans de catastrophe, aux yeux de ces juristes et de ces penseurs nazis. Et donc, tous ces gens-là se mettent en ordre de bataille, publie énormément, parce que ce que on découvre en vous lisant, c'est qu'ils sont très prolixes, tous ces juristes nazis. Ils sont très prolixes. J'ai dans ma bibliographie, enfin dans mes sources plutôt, à peu près 1200 titres d'articles, de manuels, de thèses, rédigés donc par... En très peu de temps. En très peu de temps, oui. Alors dans les années 20 et surtout dans les années 30. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des idées qui sont crédibles à l'époque. La critique de la Révolution française, comme ouverture de 150 ans d'erreur, vous citiez Rosenberg, cette critique de la Révolution française, c'est quelque chose de très courant dans l'Europe contre-révolutionnaire du 19e siècle. Et les nazis font fond là-dessus. C'est un patrimoine d'idées qu'ils récupèrent dans les années 20, qu'ils mettent en cohérence et qu'ils synthétisent dans un discours très cohérent qui permet d'expliquer le passé, de lire le présent et d'ouvrir sur un avenir. Ce discours-là se fonde sur des idées qui ne sont pas de l'invention des nazis, mais qu'eux-mêmes ont su... encore une fois, constitué en un discours d'explication cohérent. Un discours d'explication aussi qui tient à leur peur, la peur qu'ils ont eux-mêmes, mais aussi qu'ils donnent à toute la société allemande, de l'agonie. Vous citez ce juriste, je crois il était juriste, Lothar Thiralla, je ne sais pas s'il était juriste, en 1933, qui dit du point de vue biologique, nous sommes un peuple à l'agonie, et vous expliquez que cette peur de l'agonie de ce peuple allemand, qui serait donc enjuivé, qui serait entièrement dans les mains du christianisme, on va même jusqu'à critiquer Luther, qui lui-même n'est pas assez allemand, etc. Toute cette peur va justifier justement le combat pour récupérer à la fois des territoires perdus, pour en gagner d'autres et pour finir par faire ce règne de l'Allemagne éternelle, Johann Chapoutot. Il y a deux peurs, effectivement. La peur de l'agonie, comme vous dites, la peur de la dégénérescence, on va dire, la peur de l'étiolement et de l'effritement biologique, qui est une peur de l'histoire, au fond. Les nazis sont absolument terrorisés par l'idée même d'histoire, l'idée du temps qui passe, le temps qui est non pas le lieu du renforcement et de l'affirmation, mais le lieu de la déliquescence et la dégénérescence, le lieu de la dissolution de soi. Les lois de Nuremberg, voilà, dans ce sens-là, etc. La pureté de la race, etc. D'où cette idée qu'il faut sortir de l'histoire pour se projeter dans l'eschatologie. Donc la peur de la dégénérescence et la peur de l'encerclement. Et dans la peur de l'encerclement qui date au moins de la guerre de 30 ans, 1618-1648. Vous avez des pages là-dessus extrêmement intéressantes. Et pour desserrer les taux et combattre la dégénérescence, pour renforcer la race germanique, effectivement, dans ce combat zoologique qu'est la nature, c'est-à-dire qu'est l'histoire, dans ce combat zoologique qui fait rage à la surface de la Terre pour la maîtrise des approvisionnements, pour la maîtrise des espaces, la maîtrise de l'accès à la nourriture, l'Allemagne nazie, la race germanique, sont totalement fondées à exciper, si vous voulez, de toutes les normes qui régissent actuellement le droit des gens et le droit de la guerre, qui sont des normes fausses, héritées de l'humanisme, héritées du christianisme, de la Révolution française. Donc il faut balayer ces normes-là. On est du côté du droit, pas du côté des lois. Parce que ces lois sont des lois humaines qui ont été instaurées depuis par justement cette déliquescence de la pensée humaine depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui en passant par le christianisme. Et donc au bout du compte, il faut revenir à ce règne du droit qui, selon eux, est justement ce règne de l'origine. Parce que selon eux, effectivement, le droit c'est la vie et le droit c'est la vie qui s'exprime par des impératifs et par des actes. Et donc on est fondé à se réclamer de ce droit naturel-là, de cette loi de la nature, de cette loi du sang, pour se projeter dans l'espace extérieur, pour conquérir des terres, pour assurer des sources d'approvisionnement. C'est une obsession nazie que de donner à manger aux Allemands après l'espace la famine, vital, etc. Voilà, après la famine de la Première Guerre mondiale, gagner un espace vital, c'est-à-dire gagner un biotope. Ça aussi, je l'explique. Le Lebensraum, c'est le biotope. Voilà, c'est l'espace sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Et donc, vous êtes fondé à conquérir cette terre, conquérir cette nourriture pour vous projeter effectivement dans l'éternité, puisque la race germanique est une race belle et bonne, créatrice de culture, sympathique, aimable, qui naturellement aimable. Naturellement aimable. Elle n'est pas soit fait de sang, comme on l'a toujours représenté, etc. Mais aux yeux des nazis, c'est pas du tout ça. C'est voilà. Vous faites le relais d'une propagande honteuse, Emmanuel Laurentin. Oui. Non, c'est une race tout à fait aimable qui ne devient méchante que quand elle est agressée. Parce que c'est d'une race de paysans qui s'est installée dans la nature, qui la comprend et qui la connaît. Qui cultive la terre, qui vit en harmonie avec elle et en harmonie avec soi-même, puisque les psychologues raciaux de l'époque, la Rassenpsychologie est une discipline scientifique à l'époque, expliquent que le germain étant d'une pièce biologique, idéologique, il n'est pas mélangé, il est en accord avec lui-même, il est fusionnel avec lui-même, alors que les autres sont malades, les juifs sont mélangés, donc sont malades. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants, c'est pour ça qu'ils agressent la race germanique. Donc pour se défendre contre ces agressions odieuses, la race germanique est tout à fait fondée donc, à se réclamer de la loi du sang pour préserver le sien et verser celui des autres. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris en vous lisant, évidemment, Johann Chapoutot, dans cette « Loi du sang, penser et agir en Asie », publiée dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, c'est de voir tant de gens se convaincre eux-mêmes, parce que vous dites qu'après-guerre encore, et vous ouvrez là-dessus d'ailleurs votre livre, après-guerre encore en 1949, on se justifie encore de ce qu'on a fait, et on considère que c'est normal. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle ou une Cour fédérale, décide que oui, ça n'est pas si anormal que ça que d'agir comme on agissait entre 1933 et 1945, encore en 1949. Comment tant de gens ont-ils participé? C'est toujours la question qu'on se pose, parce que évidemment il y a cette question, est-ce que c'est la barbarie, est-ce que c'est la culture, qu'est-ce qui a motivé tous ces personnages-là, intellectuels, juristes, à participer à cette entreprise? Il faut voir que le nazisme vient de loin. En l'occurrence, ce n'est pas un ovni historique, il n'est pas hors sol, ce n'est pas un phénomène hors sol. Tous les éléments constitutifs du nazisme viennent de la culture européenne existant, dominant en Occident depuis le milieu du 19e siècle. Le racisme, l'antisémitisme, le darwinisme social, le colonialisme sont des idées parfaitement acceptées partout. Les nazis donc ont repris ces idées et les ont mises en cohérence. Quand en 1949, un tribunal dise à des médecins accusés de crimes contre l'humanité, au fond, vous n'avez pas commis de crimes contre l'humanité parce que les éléments que vous traitiez n'étaient pas des êtres humains, prouve bien qu'avant 1933 et après 1945, il y a une cohérence de ces idées que l'on vit encore aujourd'hui. Le racisme se porte au fond pas si mal partout. Et puis par ailleurs, le darwinisme social qui est fondateur, vraiment fondateur du nazisme, cette idée d'un combat zoologique de tous contre tous permanent où on s'entre-déchire pour survivre, eh bien il me semble que ce darwinisme social dans notre société contemporaine, hélas, regardons des publicités ou regardons les valeurs sociales qui sont promues, triomphe aujourd'hui. Merci Johann Chapoutot, vous restez avec nous pour la fin de cette émission puisque nous sommes avec Jeanne Guéroux. Bonjour Jeanne Guéroux. Qui a préparé pour nous avec Anne Fleury le documentaire de demain, toujours autour du thème de l'Allemagne, et demain nous allons parler d'autre chose que de la loi du sang, votre livre donc publié chez Gallimard, Penser et agir en Asie, mais nous allons parler de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ce immense déplacement de population qu'a connu l'Europe à ce moment-là, en particulier pour ceux qui étaient d'origine allemande. Absolument, un déplacement de 12 à 14 millions de personnes entre 1945 et 1950. Et là, pour demain, donc vous allez entendre la voix de Renate Gundoar, l'un des témoins dans le documentaire, dans lequel elle nous raconte son premier retour dans la ville de son enfance, à Greifenberg, aujourd'hui Griffice en Pologne. Alors pour vous situer les lieux, Greifenberg se trouve près de la mer Baltique et appartenait à l'époque à la Poméranie, une province orientale du Reich allemand. Et en mars 1945, devant l'arrivée de l'armée rouge, Renate a dû quitter sa maison en catastrophe avec sa mère et sa tante. Et là commence pour elle une longue fuite vers l'ouest, dit Flucht comme on dit en allemand. Et elles vont donc séjourner d'abord 2 ans en camp de réfugiés au Danemark avant d'atterrir à Marburg en Allemagne dans la zone américaine. Et pour Renate, ce voyage qu'elle fait en 2006 à 70 ans a été essentiel et lui a permis de faire le deuil de ce qu'elle a longtemps ressenti comme un paradis perdu. La voici donc partant à la recherche de sa maison. Et c'est ça, une sorte de bonus au documentaire de demain que nous écouterons, que vous avez réalisé avec Anne Fleury. On écoute. La première traversée de la rue a montré que notre maison n'existe plus. Donc, on a fait pratiquement une recherche comme un détective. On est parti donc d'une église qui a subsisté et on a suivi tout ce dont j'avais un souvenir. On s'est dit, ce pont, il a dû être détruit. C'était un pont en bois. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Et ça ne correspondait absolument pas. J'ai vu après que cette rue faisait une courbe, tandis que la rue que je cherchais, elle était rectiligne, complètement rectiligne. On arrive à un endroit où il y a un terre-plein et des voitures garées dessus. Et je reconnais ici la forme du pignon de notre maison. J'ai ici une photo de notre maison on voit à côté une qui a subsisté. Et on voit très bien là les deux cheminées, on voit la forme du toit qu'on peut comparer. Et donc, on s'est dit, voilà, on est sur notre sol. C'est resté de la terre battue. Et tout d'un coup, je vois des restes de pierre et je reconnais que c'est le sol de notre entrée, du couloir d'entrée. Alors j'ai ramené deux petits bouts de ce qui restait de la maison, du sol de notre maison. Voilà. Et là, on avait quand même un peu de contact avec des Polonais qu'on a rencontrés à l'hôtel. Ils parlaient allemand, ils avaient travaillé en Allemagne. Et ils ont dit qu'il y a une exposition de photos de la ville ancienne. Donc avant de quitter cette petite ville qui s'appelle maintenant Greifenberg, nous sommes allés là. Nous avons donc le monsieur parlait anglais, on l'a expliqué également, on a montré également nos photos. Et j'ai reconnu beaucoup d'endroits. Il était très surpris par ça. Et il vient avec une photo qui n'était pas affichée. Et c'était notre maison en 1912, pendant une fête alors. Une fête allemande, on voit un soldat avec un casque à pointe. Ah oui, ouais. J'avais même pas remarqué ça, voilà. Donc, et puis on voit la mode de l'époque, donc c'est vraiment incroyable. Et on a demandé, est-ce qu'on peut acheter cette photo? Et il me l'attend, il dit, it's for you. Et finalement, cet échange, il nous a fait beaucoup de bien. On a senti un trait était tiré. Et non, c'était très, très important. Voilà le témoignage de Renate Gundwar qu'on retrouvera dans votre documentaire demain, Jeanne Guéroux, avec Anne Fleury, un documentaire qui va traiter de cette question délicate de ces déplacés de la Seconde Guerre mondiale avec d'autres témoignages. Absolument, vous entendrez demain dans le documentaire trois autres témoignages d'Allemands, Rudolf von Tadden, Birgit Göttgens et Reintraud Borg, qui, comme Renate Gundwar, ont vécu cet exode vers l'Ouest. Alors, entre 1945 et 1950, l'Allemagne a vu affluer ses millions de réfugiés chassés de l'Est parce qu'ils étaient allemands, mais qu'en fait, la population allemande a eu beaucoup de mal à considérer comme ses compatriotes, d'autant que le pays était en ruine et manquait cruellement de logements. Mmh. On racontera ça donc demain dans votre documentaire, donc Jeanne Guéroux avec Anne Fleury. On l'écoutera avec beaucoup d'attention ce documentaire. Et puis mercredi, nous traiterons de la société civile en RDA. Jeudi, de la République de Weimar, où vous allez vous retrouver d'ici peu de temps, Johan Chapoutot. Pour les rendez-vous de l'histoire de Weimar, 8e édition, cette année sur le thème les bouleversements ou les ruptures. Ah ben ça va fort bien avec ce thème justement de ces déplacés d'après la Seconde Guerre mondiale. On en parlera d'ailleurs dans l'émission de jeudi, en fin d'émission. On évoquera avec la responsable de ces rendez-vous de l'histoire de Weimar quel est le programme de ce grand moment qui rassemble les historiens français, les historiens polonais et les historiens allemands autour d'un thème comme un peu à Blois il y a maintenant 3 semaines de cela. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Alexandre Dang était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. On se retrouve demain. Si vous voulez d'ici là écouter ou réécouter les émissions de la Fabrique de l'Histoire, eh bien, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez les écouter pendant 1000 jours après leur diffusion, les télécharger dans l'année qui suit et puis également laisser vos commentaires. Vous avez été nombreux à vous intéresser à nous vendredi à propos de l'incendie du Musée de la Radio. Nous sommes très heureux que vous nous ayez ainsi sollicité. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous continuons les émissions et la radio continue.